le patron du Quai d'Orsay, qui à l'époque était au cœur de tout ce coup d'État. Et celui qui intervient sous anonymat, il vous le dit, qu'il discutait au téléphone avec Le Drian, qu'il discutait avec les hommes de Salomon Abessodon, et dont l'épouse de Salomon Abessodon a joué elle aussi un rôle en transportant de la logistique financière avec laquelle les rebelles devaient utiliser pour déstabiliser, assassiner le président Obiang Nguema et toute sa famille. Moi, je ne suis pas surpris. Mais, monsieur Fondop, ces hommes tapis dans l'ombre, mais ils n'ont pas cessé, il n'y a pas longtemps, eux-mêmes, mais ils vous ont convié, vous, avec le PDG d'Afrique Média en Arabie Saoudite. Ce sont les mêmes réseaux. Afrique Média, le monde, c'est nous.